Pour tout besoin électrique, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel, l'entreprise qu'il faut contacter, c'est les Électriciens du Nord de l'Ascension. En affaires depuis plus de 40 ans, les Électriciens du Nord, c'est une équipe d'expérience chevronnée qui répondra à vos besoins. Les Électriciens du Nord, 1ère rue L'Ascension, 418-347-5103. Le propriétaire, M. Ghislain Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation du carnaval de Saint-Ludger-de-Milo et invitent la population à participer aux différentes activités qui auront lieu en fin de semaine. Parallèlement pondu, le meilleur texte sur tout le retour du baseball. Évidemment, on a entendu parler beaucoup de choses au cours des derniers jours suite à l'article de Régent Tremblay avec Stephen Brofman. On a parlé avec Régent lundi. Là, on va parler avec celui qu'on lui parle régulièrement. C'était juste un texte d'opinion de lui, comment il voyait les choses. C'est Frédéric Degg de la Presse canadienne. Salut Fred! Hey, bonjour, Danny. Fred, en fait, t'as parlé de ça lundi dans la plupart des médias. Moi, je l'ai vu dans le journal Métro que tu collabores avec. Tu parlais, oui, évidemment, de comment tu voyais ça, de comment ça se fait qu'on est rendu là dans cette histoire-là de garde partagée. Et moi, ce que j'ai remarqué le plus, moi, d'abord, j'y crois pas encore, puis j'ai aucun enthousiasme à ce projet-là, puis encore, j'y crois bien moi, puis je vais m'expliquer pourquoi. Mais au moins, toi, t'es arrivé avec un argument. Si, mettons que c'est vrai, là. Moi, j'y crois pas, là, mais mettons que c'est vrai, là. Ça se peut-tu que, t'as un bon argument, ça se peut-tu que Stephen Brofman s'est fait dire que l'expansion, puis au rythme où ça va, là, ça va vraiment pas vite, là. C'est pas avant 10-12 ans, puis Brofman est tanné. Fait que il a vu ça comme possibilité. Oui, ben c'est ce que j'ai tenté de faire avec ce texte-là. J'ai mis des hypothèses avec ce que l'on sait présentement. Ouais. Et ça, c'est une... moi, plus je pense, oui, ouais, on va se confirmer ça. je crois que c'est l'hypothèse la plus plausible. Tu sais, si on revient là, dans le temps un peu, là, il y a quelques années, Stephen Brofman nous disait, là, peu importe le prix d'une équipe d'expansion, l'argent, c'est pas important, c'est beaucoup de sous, mais on va la mettre. Et à ce que je sache, là, les entreprises de Monsieur Brofman, Alain Bouchard avec Couche-Tard, Mitch Garber de son côté, Stéphane Cretier avec Garda World et Eric Boyko avec Stingray Music, leurs entreprises ne vont pas moins bien qu'en 2017 au moment où Stephen Brofman avait dit ça. Fait que ceux qui avancent l'hypothèse que ce groupe-là n'a plus l'argent pour une équipe d'expansion, moi, j'adhère pas à ça. Et moi, je pense, et ce sont les propos du commissaire Manfred qui me laissent penser ça, parce que Manfred, une fois que la poussière est retombée à la suite de l'article de Régent Tremblay dans le Journal de Montréal et la réaction de Stuart Sternberg à Tampa, le lendemain, dimanche, Manfred a dit, écoutez, moi, je trouve pas que ça valait la peine de faire une histoire avec ça. Ça va arriver à un moment donné. Cette équipe-là veut être partagée entre deux marchés. C'est juste normal que tu aies une représentation dans les deux marchés. Alors, moi, je pense que Sternberg n'était pas prêt à rendre ça public, mais c'est évident que les discussions ont commencé. Brofman, il fera pas venir une... Il bâtira pas un stade avec ses fonds, parce qu'on se rappelle que Brofman, depuis le début, parle de fonds privés uniquement pour la construction du stade. Ouais. Il construira pas une équipe il construira pas un stade pour faire venir une équipe dans laquelle il n'a pas d'intérêt. Mais non. C'est évident qu'il va acheter des parts des Rays de Tampa Bay à un moment donné. Et moi, donc, tout ce long préambule pour répondre finalement à ta question, moi, dans ces Manfred, là, dimanche dernier, il en a rajouté aussi, il a dit « Montréal est un marché capable de soutenir seul une équipe des majeurs. Ben oui. C'est son choix, c'est leur choix. » Alors moi, je pense, c'est ça qui me fait dire que le groupe de Montréal, le groupe de Brofman, s'est fait dire, écoutez, l'expansion, là, ça me tente encore, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Je suis pas certain que je vais être capable de faire passer ça peut-être dans la nouvelle convention collective, dans les négociations qui vont venir en 2021-2022. Peut-être que ça sera pas avant 10-12 ans une expansion. Ça vous tente-tu d'attendre 10-12 ans pour avoir un club à vous autres? Ou vous embarquez dans votre projet avec les Rays et vous partagez une équipe pour l'instant? Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un projet. Je suis un peu comme toi là-dessus. Je suis sceptique. Je ne crois pas qu'à long terme, une équipe partagée, ça va fonctionner. Non. Mais je pense que ça peut être une maudite belle porte d'entrée, par exemple. Tu sais, on partirait de pas d'équipe des majeurs, à 41 matchs officiels, puis l'équipe nous appartient en partie. Ouais. C'est quand même un upgrade, si tu me permets l'anglicisme. Non, mais regarde, j'y crois pas à ça. Là, puis depuis deuxièmement, puis j'ai oublié de le dire à Réjean, là, puis peut-être que j'étais un petit peu impressionné, là, mais je pense que je suis bien débrouillé. C'est la première fois que je parlais avec le gars le plus connu des journalistes, mais je pense que je suis bien débrouillé dans l'article, Fred. Mais ce que j'ai oublié de dire à Réjean, là, quand ils vont arriver à Tampa Bay, tout ce beau monde va arriver à Tampa Bay. Là, l'entrevue de Jérémy Filosa parlait avec le président des Rays dernièrement, puis ça avait l'air beau son histoire. Je sais pas si tu as vu ça. Je sais pas si tu as entendu cette entrevue-là. J'ai entendu les extraits, mais ouais, pas au complet. C'est bien beau tout ça, Fred. C'est bien beau tout ça, là, ce que le président... Mais il reste qu'une chose. Je reviens toujours avec la même question. Ils ont jamais été capables de bâtir un club, un stade avec un club à temps plein. Comment ils vont faire pour réussir à bâtir un club avec une équipe à temps partiel? Et en plus de ça, j'ajouterais que l'État de la Floride se sont fait avoir avec Jeffrey Loria. Fait que, tu sais, part, là, je comprends pas que ces gens-là allument, mais il y a sûrement un gay sur Roche. Je peux pas croire que ces gens-là savent pas ce que j'avance là, là. C'est peut-être une grosse pièce de théâtre aussi. Là. Je suis vraiment convaincu que c'est. Moi, je pense depuis le début là, que c'est un show de boucan. Je pense l'expression. Moi, je pense que le projet de Ville-Sœur, c'est la première étape vers le départ de l'équipe de la région de Tampa. Ça, c'est une opinion, là. Ça, c'est basé sur ce que je comprends de la situation puis de ce que je connais du monde du sport professionnel. Le point que tu apportes est excellent. Ils sont pas capables de trouver du financement public pour se faire bâtir un stade pour une équipe à temps plein. Ça fait 10 ans. Je doute fortement, moi aussi, qu'ils soient capables de trouver du financement public pour se faire bâtir un stade pour une demi-équipe. Même si je comprends que les coûts vont être moins élevés, on va quand même demander au propriétaire des Rays, à Stuart Sternberg, de fournir la majeure partie des fonds pour le stade. Et dans un projet pour une équipe à temps plein, on exigeait de Sternberg, là, les chiffres, je les ai pas devant moi, mais il me semble que c'était de 400 à 450 millions de sa propre poche. Il donnait à peu près 50% de son projet de stade à Ybor City qui tombait à l'eau. Mais il l'avait pas de 450 millions, il n'avait pas le 400 millions. Pourquoi il l'aurait pour un stade de 400 millions cette fois-ci? L'État sera pas moins gourmand dans le sens où elle sera pas plus généreuse. Puis encore pire, parce que je pense. En disant, on va le payer au complet vu que c'est juste 400 millions, ça n'arrivera pas. Puis encore pire, parce que là, tu sais vers où ce qu'ils veulent s'en aller, là. Tu sais, tu paierais-tu pour. Ils veulent aller. Pourquoi l'équipe encouragerait, pourquoi l'État encouragerait une entreprise qui va partager son siège social en deux puis partager ses revenus en deux? Puis là, on parle des Rawdies de Tampa Bay, de faire un stade multifonctionnel avec les Rawdies. Mais les Rawdies, ça reste une équipe de deuxième division de soccer. Je sais pas quelles sont les foules aux Rawdies, mais et de toute façon, un stade multifonctionnel, là, attendez une minute. Le baseball majeur n'en veut pas des stades multifonctionnels. Il n'y a aucun des nouveaux stades qui est conçu pour plus d'un sport que le baseball. Et je te dirais même plus, les gens me donnent souvent l'exemple du Yankee Stadium quand je parle de ça, où le New York City FC de la MLS évolue. Si n'importe quelle autre équipe qui n'est pas les Yankees de New York se fait dire non pour faire jouer une équipe de soccer dans son stade. Moi, je suis convaincu de ça. Là, la suite des choses, toi, comment tu vois ça? Puis, il y a une autre affaire aussi, Fred. J'ai parlé à Régent là-dessus, puis j'ai posé carrément la question. Puis, lui, il semble dire que oui, les médias vont embarquer. Pas convaincu, Fred. Puis, tu sais comment que les médias, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Puis, je reviens toujours aux expos dans les années aussi. Il n'y avait pas grand média qui allait couvrir les expos à Porto Rico. Là. Pas sûr, moi, que RDS, même s'ils cherchent du contenu, RDS, c'est. Et TSN et également les réseaux français embarqueraient et iraient présenter des matchs à Tampa Bay. Là. À moins d'avoir le feed et de rester à Tampa Bay. C'est une autre affaire. Moi, je suis dans les médias. Je souhaite que les médias embarquent. Si c'est un projet de ville partagée. Là, je peux te parler juste de la situation de la presse canadienne. Je ne parlerai pas des autres médias. Mais ça se ressemble pas mal à quelque part. Ben, il y a des médias qui voyagent plus que nous. Ouais. Mais, OK, il n'y a pas beaucoup de médias qui roulent sur l'or présentement. On va dire ça comme ça. Mm. Chez nous, là, moi, je pense que ce qui va arriver dans une situation d'équipe partagée, on va envoyer. Je présume que je vais être le gars de baseball, mais donc, je suis le gars de baseball depuis 7-8 ans après être canadienne. J'espère que ça va continuer comme ça, OK? Mm. On va m'envoyer 7 jours. 10 jours au camp d'entraînement sur les 6 semaines que le camp d'entraînement va durer. Peut-être, mettons dans le meilleur des scénarios que je vois, là, une semaine à l'ouverture du camp, puis la dernière semaine du camp pour préparer le début de saison. Et avec les derniers coupeurs, ces affaires-là. L'équipe qui passe les 3 premiers mois de l'année là, à Tampa, là, j'irai pas couvrir grand-chose là. Je vais peut-être aller couvrir les matchs à Boston et à Toronto parce que c'est pas loin du bureau. Mais écoute, nos gars de beat là, du Canadien ne voyagent plus sur la route sauf en série d'éliminatoire depuis presque 10 ans maintenant à la presse canadienne. Je pense pas que pour le baseball, on va dégager plus de fonds qu'on en dégage pour le hockey. Ça, c'est la réalité des médias montréalais. Okay? Mm. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'attention qui est accordée aux Canadiens, ça reste le club qui rapporte le plus pour les médias en termes d'exposure et de commandites qu'on peut ramasser autour de ça. Okay? Bon. Fait que là, l'équipe va arriver à Montréal au mois de juin. Elle va faire tous les matchs à Montréal sans exception, ça j'en doute pas. Puis là, l'équipe se retrouve dans une course au championnat, mettons. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dans une course avec les Cards de Saint-Louis au mois de septembre. Ils vont jouer 3 games à Saint-Louis. Est-ce qu'on dégage des fonds pour aller couvrir ces 3 games-là ou on fait comme on a fait le reste de l'année? Ben, je sais pas. Tu sais, il y a des médias qui vont choisir d'y aller. Il y a d'autres médias qui vont choisir de pas y aller parce que là, il y a des médias qui... Ils vont être obligés de choisir. Je vais à Saint-Louis ou je vais à n'importe où ailleurs. Là, j'ai dit Saint-Louis, ça n'a pas d'allure parce qu'ils sont dans la Ligue nationale, là, mais on s'entend que c'est juste pour l'exemple. Je vais-tu à la série importante du mois de septembre ou je garde cet argent-là pour que l'équipe se qualifie en série pour pouvoir la suivre sa route en série ou la suivre à Tampa si elle joue les matchs de série à Tampa? Ça va être difficile. Moi, écoute, tu me demandes, est-ce que tu espères que les médias montréalais vont suivre l'équipe même quand elle est à Tampa? J'espère que oui. Est-ce que j'espère qu'ils vont trouver des droits de radiodiffusion et de télédiffusion qui vont faire en sorte qu'on va avoir les 162 matchs de l'équipe? J'espère que oui. Puis encore là, c'est pas moi qui gère les budgets là, à la presse canadienne. Là. C'est important de le dire, mais je vois là, le genre de couverture qu'on nous envoie faire dans la salle de rédaction, puis le genre de projets qui sont acceptés ou refusés quand on les propose. J'espère que la couverture des médias va être à 100%. Je suis pas certain que ça va être le cas pour le temps que l'équipe va être à Tampa Bay. Non, c'est ça. Puis là, je parle pas de la... Puis là-dessus, là, j'espère me tromper. Mais j'en doute. Puis là, on parle pas de l'association des joueurs qui va être la deuxième clé. T'sais, le monde dit, ils vont payer, c'est sûr. Peut-être un peu, là. C'est pas... ils vont payer, ils vont mettre de l'argent, puis l'association des joueurs va dire oui. Pas sûr que ça va marcher demain. Il va y avoir des concessions à faire du côté du baseball majeur. Il n'y a rien qui s'obtient sans donner quelque chose. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner, les négociations. Ça m'apparaît un dossier compliqué de faire déménager une famille en plein milieu de la saison. Ceci dit, à l'époque des Expos, là, Gary Carter, c'en est un qui faisait ça, là. Lui, là, sa famille, dès que l'école était finie en Floride, toute la gang montait à Montréal, venait les rejoindre. Puis Carter a même déjà eu une maison pendant plusieurs années où il restait 12 mois par année à Montréal. Mm. OK? À un moment donné, un choix familial, ils ont décidé de rester en Floride pour les études des enfants, proximité des grands-parents et tout ça aussi, là, à un moment donné. Mais tu sais, Carter, c'est un gars, là, qui a élevé sa famille une partie de sa carrière ici. Après ça, il est déménagé à New York. Je sais pas ce qu'il faisait à New York, mais je sais que pendant un certain temps, les enfants finissaient l'école en Floride, puis toute la famille venait rejoindre Carter à Montréal. Tu sais, on parle que l'équipe déménagerait vers Montréal à la mi-juin. C'est pas mal à la fin des classes partout aux États-Unis, là, ça. Là. Alors, est-ce que ça serait ce genre de situation-là où ça devient une résidence d'été, en guillemets, pour la famille? Mais ça m'apparaît pas la situation idéale pour attirer à Montréal des joueurs autonomes. Les plus gros joueurs autonomes disponibles. ou signer à long terme des... excuse-moi, je t'ai perdu. Mais là, ils vont me dire, les gens vont me dire, ouais, mais les Rays signent pas des joueurs autonomes. C'est vrai, mais s'ils font tout ça, ouais, c'est justement parce que qu'ils veulent améliorer leur sort. Fait que, ben c'est ça. Alors, ben, est-ce que de cette façon-là, ils vont l'améliorer? Ceci dit, là, par contre, là, les Rays, là, c'est pas mal le meilleur réseau de clubs écoles du baseball majeur présentement. Alors, ça garantit quand même. Je sais que les gens vont dire, oui, mais les Expos ont fait ça pendant des années, avoir des jeunes joueurs puis les échanger quand ils étaient bons. Ouais, sauf que les Expos, ils recevaient pas 220 millions avant le début de la saison non plus. Mm. Peut-être qu'avec le partage de revenus actuel et la maximisation des revenus que Stuart Sundberg et Steven Bronfman anticipent avec cette nouvelle formule d'équipe partagée, peut-être que le scénario va être bien différent. Là, on est dans l'hypothétique, on est dans l'hypothèse de A à Z parce qu'on sait pas comment ça se passerait. Ouais. Et puis, peut-être que on sait pas non plus si l'association des joueurs va accrocher. Je sais que Steve Rogers, qui travaille pour l'association des joueurs, mais qui est pas dans un poste décisionnel, a souvent dit qu'il voyait pas comment l'association des joueurs pouvait accepter mais ça. Non, pis... Mais encore là, c'est pas lui qui négocie avec le baseball majeur. Ouais, puis moi, il y a quelque chose de ben anodin que Jérémy Filosa a dit au 98.5 l'autre jour, puis ça en dit long sur... Tu sais, un joueur autonome, Fred, on pense tous que c'est le joueur qui décide, mais c'est souvent la madame qui décide. T'es d'accord avec moi, là? Puis la madame, Jérémy Filosa a mentionné qu'il a jasé avec l'épouse de Russell Martin. Puis il a mis ça carrément. L'épouse de Russell Martin a dit à Jérémy Filosa, jamais j'accepterai ça. Une garde partagée. Fait que, ouais, mais ouais, jamais elle accepterait ça, mais regarde, à un moment donné, c'est pas le conjoint, là, que ce soit ouais, une femme, un homme, mais pas, tu sais, c'est la carrière du joueur, là. Ouais. Et puis cette carrière-là lui permet de gagner des millions de dollars annuellement. Il n'y a pas beaucoup de professions, à part peut-être là, des acteurs, chanteurs très connus qui permettent d'égaler le salaire fait par les athlètes professionnels. Il faut en prendre pas en laisser. Là. Puis là, les joueurs gagnent leur autonomie à 27 ans. Là. C'est pas tout le monde qui est casé avec des enfants à 27 ans non plus. Là. C'est sûr. Fred, très intéressant. Très intéressant toujours, encore une fois. J'ai bien hâte de voir comment que ça va finir. Moi, en tout cas, je demeure sur mes positions. Je suis convaincu que c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Puis à la fin de la journée, mais que le projet arrive devant les autorités de la ville de Tampa, ils vont frapper un grand nœud, puis tout ce beau monde-là va retourner à la case départ. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver, là. Mais c'est mon opinion. En tout cas, une chose est certaine, là, c'est que la semaine passée, Steven Bronfman m'a dit 2020, c'est notre année. Ouais. Là, on a assez parlé, on passe à l'action. Là, tu vois, quelques jours plus tard, il a fait ses déclarations choc à Régent Tremblay, choc dans le sens où à Tampa, il était pas prêt à accueillir ces commentaires-là. Mais dis-toi une chose, tu as vu, hein, quand Jérémy Filosa, là, sur le lien qu'il a mis sur le 98.5 FM, la vidéo qu'il a mise là, il y a William Yeager qui accompagne le président des Rays. William Yeager, pour les gens qui ne le savent peut-être pas, c'est un des quatre as là, du groupe de Montréal, dans le sens que c'est un des bras droits de Steven Bronfman. C'est le comptable de l'organisation. Mm. Quand ton comptable passe du temps au bureau chef d'une autre compagnie, c'est parce que tu es sur le bord de faire une transaction pour acheter une partie de cette compagnie-là ou l'acheter au complet. Tu vas pas vérifier les livres puis tu fais pas des allers-retours réguliers avec cette compagnie-là juste pour savoir comment ça va puis regarder leur plan d'affaires. Là, c'est plus que ça. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très révélateur de voir William Yeager Il a dit qu'il est tanné, ou en plus de ça, de faire des voyages Montréal-Tampa à quasiment toutes les semaines. Il dit, je commence à être tanné. Alors, je souhaite d'achever la vérification des livres. Ouais. Fred, très intéressant. On suit ce dossier-là encore une fois. Notre absolument. Et puis là, l'Office de consultation publique va émettre son rapport bientôt. Ouais, sur c'est le quand, ça, hein? Ça, c'est supposé être dans les prochaines semaines. On n'a pas de date précise, mais à l'OPCM, on me dit que ça va être très bientôt. Okay. Alors ça va donner une bonne indication d'où s'en va Montréal vers le développement de ce quartier-là. Fred Degg, un gros merci. On s'en parle bientôt. Merci, Danny. Salut. Salut, Frédéric Degg.